to me. Ay, fuego, oui. Je suis en équipe, je dis ça du beat turbo. Je récupère une quiche, dans mes bookings y'en a des go. C'est qui la vise? Assisteur, assisteur, qui joue le vice? Fais-moi la bise. Y'a du buzz, y'a des tapes et des cabis. On est des loups, pas très polis. On reviendra sûrement si on te loue. Mais son détour à Tripoli. Cette année faut que je déchale au moins de lourd. Que des coupables, deux têtes coupables. Là j'ai un gars, sous King et combat. Frappe de combat, propose ta combi. Fais pas le convoy, t'es qu'un comique. Tu te débannes, c'est la loi. Biatch pas de bigo, c'est la loi. Que de dégaine, t'as Sinaloa. Que traiter banni, c'est la loi. Pourquoi tu parles mal de moi? Sans cas, j'achète dans l'état. Oh non, non. Oh non, non. Oh non, non. Quel train de vie. Je voulais t'appeler, mais j'ai eu la flemme. Des problèmes, que des problèmes. Un pack de balles sur tous leurs bags. Où sont passés vos bonhommes? Ils veulent faire la paix, on aime trop la guerre. T'es meurtrier très cool dans mon répertoire. T'es trop fier, je leur mets une matière. J'arrive à la tête avec deux étoiles. Ah non, ah non.